Portrait d'assaut sur Fadjet. Incluvie, c'est une association née fin 2025 à Vendeuvre-lès-Nancy avec une idée simple, permettre à des adultes en situation de handicap mental de vivre chez eux dans leur propre appartement tout en étant accompagnés au quotidien. Monique, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de cette association. C'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Incluvie ? Ben écoutez, parce que moi-même, je suis maman d'une petite jeune femme en situation de handicap mental, mais qui est une assez bonne autonomie pour vivre en appartement, elle, alors depuis 2007. Alors tout d'abord dans un autre département, le Puy-de-Dôme, où elle a été intégrée dans un SAVS dont j'ai participé à la construction avec cette autre famille. Cet SAVS avait la même configuration que ce que l'on peut appeler un habitat inclusif aujourd'hui. Alors, l'habitat inclusif, bon, il y a plusieurs configurations. On peut être dans une maison, une structure, ou alors dans un immeuble, et là c'est vraiment très valorisant, dans un immeuble commun, aux côtés de personnes valides. Chacun a son petit appartement, alors le projet est fait pour 10 personnes. Hein. Donc chacun un tout petit appartement dans lequel il peut être aidé par une auxiliaire de vie dans le cadre de la PCH, selon les besoins de la personne. Et à proximité de ces appartements, un lieu de vie, c'est-à-dire un appartement plus grand, un appartement collectif, où là, ils vont être accompagnés par une équipe de salariés qui est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Vous aviez constaté qu'il n'existait pas suffisamment de lieux similaires ? Il existe bien sûr des dispositifs, mais chacun différent. Il peut y avoir un habitat inclusif pour personnes autistes, par exemple, ou pour personnes. Nous, c'est multi-handicap du moment que l'on reste dans la déficience intellectuelle. C'est un projet qui se fera sur la métropole du Grand Nancy. Je ne peux pas encore dire exactement où sera implanté parce que je consulte les bailleurs en ce moment. Tout va dépendre du projet des bailleurs pour que chaque habitant puisse trouver à proximité de chez lui tout ce dont ils ont besoin au quotidien. Donc, on est vraiment au tout début. Nous sommes au tout début, mais nous avons déjà 5 personnes d'inscrites, hein. Ce qui est beau. Alors, moi, je fais appel à toutes les familles qui sont en recherche d'une situation, d'un hébergement pour leur enfant devenu adulte aujourd'hui, parce que c'est à partir de 20 ans. Bien, écoutez, de s'approcher de l'association avec lui. Et nous sommes là pour répondre à toutes leurs questions, bien évidemment. Nous allons surtout écouter l'habitant. Nous allons faire selon ses besoins, selon ses désirs, selon ses possibilités, selon son rythme aussi. Nous allons les écouter, nous allons les accompagner dans leur projet de vie. C'est-à-dire, c'est uniquement un exemple que je vous donne aujourd'hui parce que, voilà, je n'ai pas les habitants autour de moi. Mais une personne qui voudrait faire du jardinage, eh ben, notre rôle, ça va être d'aller chercher un petit terrain et j'espère bien des bénévoles, hein, aussi pour les accompagner, pas seulement l'équipe salariée. Un petit terrain et puis valoriser donc ce qu'ils vont faire. Ça peut être aussi aider dans la commune où sera implanté l'habitat. Faire du bénévolat dans une association. Tout ce qui va nous permettre de mettre la personne différente face à la personne valide, on le fera, comme je vous le dis, selon les demandes et les possibilités de chaque personne. Alors, quels sont les besoins de Incluvie aujourd'hui ? Alors, de trouver un lieu, de trouver des soutiens, vous l'avez dit ? Bien sûr, on aura besoin de soutien, mais bon, là, il est encore un petit peu trop tôt d'en parler. Bon, nous allons seulement commencer l'écriture concrète du projet. Pour le moment, l'essentiel pour nous serait déjà de trouver 2-3 familles de plus, même si d'autres viennent se raccrocher un petit peu plus tard, à savoir qu'il faut quand même 1 an et demi, 2 ans pour que le projet aboutisse. Donc on a le temps de penser réellement aux besoins, mais déjà trouver 2-3 familles pour qu'on puisse vraiment mettre les pieds dedans, j'ai envie de dire. Pour vous contacter, aujourd'hui, comment fait-on ? Nous avons une page Facebook. Si on tape Incluvie Vendeuvre-lès-Nancy, on va nous trouver. Sur mon portable, 06 63 37 96 36 ou par mail sur incluvie54@gmail.com. Je voulais préciser aussi que nous organisons le 4 juillet prochain une rencontre conviviale. Ça sera un samedi de 10h à 12h30, salle Michel Virion au domaine du Charmois à Vendeuvre. Donc nous y invitons vraiment toutes les personnes qui sont sensibilisées par notre projet par le handicap, mais par notre projet aussi. Les familles, bien évidemment, voilà, c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion de poser des questions. Nous sommes à la disposition, donc il y aura un petit moment convivial, un accueil café, une petite collation, et puis voilà, une petite réunion va s'en suivre avec des échanges, j'espère, conviviaux. Voilà, ce sera le 4 juillet, on note bien sur le son agenda. Le 4 juillet de 10h à 10h30. Si c'est possible, je demande aux personnes de confirmer leur présence pour une question d'organisation. Et pour ça, on vous contacte via la page Facebook. Et on peut nous joindre à l'adresse que je viens de vous donner, à Clubi 54, ou sur mon mobile. Merci beaucoup, Monique. Qu'est-ce qui vous motive le plus sur ce projet ? Ça me motive parce que, d'abord, c'est un projet d'accompagnement qui est très valorisant et très dynamisant. Pour l'avoir vécu avec ma fille, pour l'avoir construit un modèle de ce type, je peux en témoigner. Parce que les personnes sont dans leur petit cocon, mais en même temps, elles sont accompagnées. On répond à leurs besoins. On évite la solitude. On les responsabilise un petit peu. C'est important d'avoir un petit chez-soi. On les dynamise de par les activités que nous allons mettre en place. Et par ce biais, je pense que l'on retarde beaucoup la régression. On développe l'autonomie. Et ça, c'est important. Et puis, il faut dire aussi que, bon, on s'adresse à des personnes adultes, nos enfants ont grandi, nous, on prend de l'âge aussi, et nous, parents, notre rôle, c'est de faire pour que rien ne se passe. Si on devait placer un jour notre enfant, bon, moi, j'aimerais pas que ça se passe dans une situation d'urgence et que l'on place ma fille dans un endroit qui lui conviendrait pas, parce que tout simplement, on est obligé de le faire. Si nous, on ne fait rien aujourd'hui, parents, si on ne travaille pas sur des projets tels que celui que l'on propose aujourd'hui, on risque de retrouver plus tard nos enfants dans les EHPAD alors qu'ils n'y ont rien à y faire. Un beau projet à soutenir. Merci beaucoup, Monique. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.